Le mystère du métro Réaumur, une enquête de l'inspecteur Barre, par Michel Corry. Chapitre 1er, disparu. Jeune fille, 21 ans, disparue depuis mardi dernier. Grande, mince, jolie, brune. Était vêtue au moment de sa disparition d'un manteau bleu foncé garni d'astracan gris. Porte le prénom de Jeannine. 100 000 francs de récompense à qui fournira renseignements permettant de retrouver la disparue. Écrire BL 145, rue Beaumarchais, Paris. Ne pas se présenter, attendre convocation. L'annonce parut dans le grand journal. Elle était publiée en tête des échos en première page, au lieu de s'égarer parmi les publicités de deuxième page à la fin du journal, là où d'habitude figure cette rubrique souvent émouvante, parfois désespérée. Que de détresse, hélas, inscrite dans ces pauvres lignes. En caractère serré, et qui livre à la curiosité publique un peu de leurs secrets. Mère affolée, amant angoissé qui jette un appel éperdu vers les tendresses enfuies. L'annonce parut ainsi plusieurs jours de suite. Elle était encore en pleine parution un matin où l'inspecteur Paul Barre, qui comme tout Paris l'avait lu, et se trouvait sur le quai du métro Réaumur Sébastopol. À son habitude, il observait les choses et les gens. Devant l'arrivée des premières sur la ligne Clignancourt-Orléans, direction Orléans, il attendait la rame qui devait le conduire au quai des Orfèvres, où il avait son bureau dans le service de la police judiciaire, bien qu'il fût communément appelé dans tous les services, qu'il fût du palais ou de la préfecture. Paul Barre jouissait dans l'administration d'une situation privilégiée. On disait communément à la préfecture et à la police judiciaire qu'il n'était pas un inspecteur comme les autres. C'était vrai. Après des études supérieures, jeune, indépendant, cultivé, riche même, il eut pu choisir entre les positions les plus avantageuses, les plus flatteuses. Il avait voulu être inspecteur de police. Il était poussé dans cette profession par une vocation impérieuse. Il avait l'âme du détective, sa promptitude de pensée et de déduction, et l'amour de l'énigme dont il voulait rechercher la clé. C'était chez lui une passion. Ainsi, il entra dans l'administration de la police et n'y voulut point d'autre fonction que celle où il pourrait exercer ses facultés. Mais son talent mis à part, il gardait sa liberté et aussi ses manières et ses habitudes d'homme du monde. Il avait fallu ses surprenantes réussites dans des affaires qu'il avait débrouillées pour lui donner une exceptionnelle autorité. Ce jour-là donc, Paul Barre se trouvait sur le quai de la station Réaumur-Sébastopol. Il attendait une rame qui ne fut point trop chargé pour monter. Rien ne l'appelait particulièrement ce jour-là, et il s'apprêtait à regagner sans hâte son bureau du quai des Orfèvres, ou celui qu'il occupait également à la préfecture de police. Un train arrivait devant lui. Le wagon de première était comble. « Je monterai tout à l'heure, » pensa-t-il. Il s'apprêtait à achever tranquillement sa cigarette. À ce moment, son regard se porta sur un couple qui montait dans la foule. Il voyait une jeune fille d'une grâce et d'une beauté rare. Ce spectacle n'était point pour lui déplaire. Il détaillait la charmante voyageuse. Il remarqua sa mise d'une simple mais sûre élégance. Grande et mince, elle portait avec chic un manteau bleu foncé garni d'astracan gris. Et soudain, un souvenir monta dans sa pensée. L'annonce du grand journal, c'était tout à fait le signalement. Mais il y a dans Paris d'autres jeunes filles minces et d'autres manteaux bleus et gris. La coïncidence, cependant, était frappante. Et voilà que, dans le même moment, il entendit prononcer le nom de la jeune fille, Jeannine. Elle n'était pas seule. Un jeune homme l'accompagnait à qui elle donnait le bras. Elle se tenait même serrée contre lui, et celui-ci lui disait tout près d'une voix dont Paul Barre remarqua combien elle était tendre, « Monte, Jeannine !» Cette fois, il ne put se défendre d'une sorte de choc au cœur, comme il en éprouvait chaque fois qu'une découverte lui apportait la solution d'une affaire. L'inconnue de l'annonce, la jeune fille perdue, ce devait être elle, c'était sûrement elle. Mais il n'avait plus le temps de monter, les portes se fermaient, le train s'éloignait. Il eut la rapide vision des deux jeunes gens, bras à bras, les yeux dans les yeux, et ce fut tout. Le train fila, disparut dans le tunnel. Paul Barre demeura là, assez dépité. Que faire ? Il ne pouvait pas faire arrêter le train, ni rattraper le couple, ni même savoir où il descendait. Il n'avait que cette certitude, la jeune fille était vivante. Et il avait, avec son habitude professionnelle, remarqué le visage de son compagnon. Une face distinguée, une élégance native dans la simplicité de sa mise. Il pensa « un beau couple ». Il réfléchit à ce qu'il devait faire. D'abord, renseigner l'auteur de l'annonce, voire même le rassurer. C'était son devoir d'homme. Il ne s'agissait pas du tout à ce moment-là de sa fonction de policier. Il tira le journal de sa poche où l'annonce paraissait encore et il la relut. Malgré la recommandation de ne pas se présenter, il résolut d'aller voir l'auteur de cette note, poussé par il ne savait quel pressentiment. Et puis, l'habitude policière n'est pas de correspondre par lettre, mais de se rendre compte soi-même. Il changea de direction et se rendit rue Beaumarchais. Il se trouva devant un hôtel particulier. Le vestibule était imposant et avait les stylés le reçu, ce qui n'était pas pour intimider Paul Bar, dont l'appartement particulier était d'un luxe rare et dont les relations étaient hautes. Il donna fort modestement son titre d'inspecteur de police, qui était d'ailleurs en l'occurrence la meilleure présentation. Aussi fut-il immédiatement introduit dans un petit salon, puis au bout d'une longue galerie où le valet ouvrit une large porte matelassée de cuir. Et Paul Bar se trouva dans un vaste et haut cabinet de travail, tendu de tapisseries armoriées et meublé de bahuts anciens. Un homme jeune, aux traits ravagés, dont le visage mat, en dépit de sa fatigue apparente, présentait une mâle beauté, le reçut. « Monsieur l'inspecteur, » fit-il, l'air anxieux, « s'agit-il de... »« Oui, monsieur, » coupa Paul Bar. « Il s'agit de votre annonce. J'ai vu la personne prénommée Jeannine vêtue comme l'indique votre note, au métro Réaumur. » Et lui conta la rencontre qu'il venait de faire et comment il avait perdu la jeune fille. Pour expliquer qu'il avait entendu son nom, devait-il révéler qu'un homme l'accompagnait? Son hôte, devant lui, se tenait tout tremblant d'émotion. « Maintenant, dit Paul Bar, il ne reste plus qu'à la retrouver. » L'homme se présenta à son tour. « Je suis Bernard Lambert, l'ingénieur. » Il n'en dit pas plus, son nom seul le désignant suffisamment à l'attention de l'inspecteur. Il était l'auteur bien connu de simplification de TSF et le créateur d'une très importante usine d'appareils de télévision. Et cet homme, déjà célèbre et puissant, un peu étonné de l'allure distinguée de l'inspecteur, ne put se tenir de lui dire en lui serrant les deux mains « Merci, vous êtes le premier qui m'a porté de l'espoir. »« C'est elle que j'ai vue, et c'est bien elle !» s'écria Barre, et son doigt désignait une photographie dans un cadre de vermeil sur le bureau de l'ingénieur. Bernard Lambert s'était levé, tout ému. « Merci » répéta-t-il, « merci !»